ces putains de lumières là? C'est quoi ces têtes de gland, sérieux? Et tout sent dégueu. J'y retournerai bien et dans le bide à ma mère. Mais comme tout, je demeure dans l'angoisse, la poste demeure en spéléo. Dans le royaume du sale, je te suis de perdre sur ce monde comme un rectum abyssal. Ou fils des créatures oh, dominées. Juste pour plaisir, sale pourriture de lait dominée. Et t'es de toutes les nourritures la plus exquise et raffinée. Ici pas rien, ni bien, ni mal. Juste les lois fatales du règne animal. Et l'arbitraire et le hasard et le désert. De la rage des crevures avant de moisir.